Que tu me prennes dans tes bras. J'aimerais tant que tu me prennes dans tes bras. Au ciel avec toi, j'aimerais tant que tu me prennes dans tes bras. Tu me prennes dans tes bras. Seigneur, prends-moi. Au ciel avec toi.